temps, les crânes d'œufs exhibent leurs tétons. On préfère montrer du doigt plutôt que lever le poing. En ces temps, la seule chose qu'on apprend aux enfants, c'est d'avoir peur des monstres. En ces temps, les garçons ne pleurent toujours pas. Ou l'odeur dominante, c'est la testostérone. En ces temps, même sans pénétration, il n'y a pas que les poulets qui violent. En ces temps, il y en a qui finissent encore à l'abattoir. On nous élève que pour mieux nous exploiter. En ces temps, on préférait manger des flics plutôt que des poulets. En ces temps, le plastique règne dans les éclats de vitrine. Où la vie, la vraie, c'est la vie au champ. En ces temps, le bonheur est dans l'objet et pas dans le pré. En ces temps, dans le rôle des envahisseurs, les virus ont remplacé les extraterrestres. En ces temps, il semble que le seul rôle qui reste, c'est celui de la victime. En ces temps, on tremble sur des scénarios catastrophes, aussi vrai que ta mère, la nature. En ces temps, il y a toujours du bruit au fond du furan. En ces temps, l'essence interdite pousse comme la mauvaise herbe. Et les jeux de ballon interdits sauf à la télé. En ces temps, on ne peut plus se voiler la face car c'est interdit. En ces temps, voyager rime avec composter. Où les fichiers ne s'effacent jamais vraiment. En ces temps, on se retranche derrière nos barbelés au Noël. En ces temps, on respire le plomb et où l'air c'est de la lune. On se remplit une merde pour oublier qu'on invente. En ces temps, même nos corps ne nous appartiennent plus. En ces temps, les horloges tournent trop vite, où plus personne n'est responsable de ce qui se passe. En ces temps, notre nombril est notre seule perspective. En ces temps, où l'esprit sain n'attaque que les corps sains, il ne nous reste plus que le mauvais esprit. En ces temps, où la folie règne en maître, et où les pauvres fous continuent d'être enfermés. En ces temps, où la rage n'est plus qu'une maladie, on bave. En ces temps, on se vaccine même contre la rage. En ces temps, il y a toujours du bruit au fond du furan. En ces temps, la vérité est un truc de mystique. On dit tout, mais on comprend pas tout. En ces temps, le mensonge est un truc des grands. En ces temps, on parle souvent de gentils et de méchants. On prend notre cerveau pour un ordinateur. En ces temps, le seul choix qui nous reste, c'est entre le 0 et le 1. En ces temps, rationnel rime avec couper les ailes. Où les drogués n'ont plus que des flashs publicitaires. En ces temps, les seules lignes constables, c'est des lignes de flics. En ces temps, le virtuel est une part du réel. Où les super-héros sont tous fachos. En ces temps, Toxique Avenger est le seul héros qui nous reste. En ces temps, ceux qui luttent passent dans les kamikazes. En ces temps, le suicide est devenu un mode d'action. En ces temps, le seul slogan qui nous reste, c'est une seule solution, l'autodestruction. En ces temps, même en faisant un effort d'imagination, un monde meilleur ressemble au meilleur des mondes. En ces temps, y'a toujours du bruit au fond du furan. En ces temps, on a appris à rire sous du pire. En ces temps, on tremble plus qu'on bouge. En ces temps, rien ne va plus. Y'a toujours du bruit au fond du furan. En guise de défouloir pour 5 neurones pétants. Des larcènes résonnent pour salir les blancs. En guise de provo pour les bien pensants. Dans des costumes de méchants pour rester menaçants. On s'agite et on bave et on montre les dents. Dans cette guerre en cours, on a choisi notre camp. Celui des mauvais joueurs et des éternels perdants. 895 Radio Dio, on attaque cette semaine Furania. Cette semaine Furania en forme de loop, comme ça, sur tout ce qui est tout le bouillon grouillant à Saint-Étienne. En forme aussi de, on laisse notre studio à la team Furania, qui est du coup derrière la sortie de ce bouquin et de cette compilation comme assez pharaonique. 4 vinyles qui essayent de faire une rétrospective des scènes alternatives à Saint-Étienne de 80 jusqu'à 2000. Et on attaque du coup cette troisième journée du festival Radio Diophonique pour cette occasion, avec au programme aujourd'hui une interview, une sorte de moment souvenir, moment présentation, où on va parler du Mats Collectif, d'Avataria. Et voilà, peut-être qu'on peut présenter aussi les différents autres rendez-vous de la journée. Dans les prochains rendez-vous de la journée, alors il y a, là on attaque avec Avataria et Mats Collectif. À 11h, dans mon souvenir, on écoute un live archive diophonique de Junior. À midi, il y aura la présentation justement de l'équipe Furania, avec la présentation du bouquin et de la compilation. À 13h. À 13h. Présentation des locaux sauf imprévu. À 14h30, on parlera d'Ursa Minor. Et à 17h, on parlera des nerfs à vif. Voilà. Grosse journée. Grosse journée. Un petit mot pour commencer avant de vous lancer. Je vous sentais bien là, ça va ? Ouais, ça va. Alors attendez, j'ai pas ouvert tous les micros. Ah. Ouais. Hop, hop, hop. On a Gigi qui arrive. Jean-Jacques arrive. Voilà. Le président qui arrive, on est là. Attention. Ça va, c'est pas trop tôt ? Bah, j'ai l'impression aussi un peu, hein, quand même. Donc là, on a essayé de faire un panel... De cheveux blancs. Ouais. Barbe blanche, cheveux blancs et cheveux longs frisés. Super. Peut-être que ce que je vous propose, c'est on s'écoute un premier petit morceau et après, vous vous lancez dans la matière. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez écouter ? On va s'écouter le petit Varumjo, là, Dacha, je pense que dès le matin... Attends, mais alors l'autre, il me dit le petit Varumjo, Dacha, ça y est, je le vois. Eh ben voilà, c'est parti. Eh ben allez. Eh ben normalement, ça devrait partir là, comme ça, quand je fais ça. Les vendredis 13 et samedi 14 mars, festival Melting Dog au Chambon-Feugerolles. Zion Train Sound System, Irishian Stepas aka Kitashi, Armageddon, Zenzile, Aitone, AAA Corp. Et les films The Hard of Echo et Deep Into Dub. Dub, reggae, jungle, hip hop, techno. Voilà, et salut à vous les copains. Hey. Ah, bonjour. Et salut mon Lolo. Salut Lolo. Ça, c'est bonjour. Rigolo hein, de se retrouver comme ça là, moi, derrière la machine là, qui reçoit la génération qui m'a suivi. Ça va les gamins hey. Les gamins, ils ont blanchi. Salut papa. Et la relève, c'est cool. On voit que vous n'êtes plus trop jeunes non plus, il y a la relève depuis non, aussi. Hein. Voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, Matsuko Avataria. On est bien d'accord, hein, parce que j'ai un peu la gueule dans le cul. Il y avait Matsuko 89-99, Avataria 99-2019. Ouais. Oh, 2023, ça existe toujours. Ah bon, bien. Attends, qu'est-ce que tu crois ? Non mais... Et ouais, non, mais ça va suffire deux heures là pour parler de tout ça là, parce que on a quand même pas mal de trucs à dire. Ouais, puis il y a de la musique à écouter aussi. Ah, hein. En plus, ouais. Ouais. Parce que c'est la radio quand même, Avataria, Mat, c'est... voilà. Bon, Matsuko. Ça démarre quand ça ? Parce que... Fou là ! Ben, ça démarre en 89, ben voilà. Figure-toi, avec ça fait des 25 concerts. Ans, ça, ça fait... quasi 25 ans. Du coup, plus. Ah ouais, c'est vrai que vous êtes plus des gamins, en fait. Hein. Du coup, principalement en faisant du concert, à l'époque, patinoire, bourse du travail, accompagnement de groupes, dont les Internal Exil, organisation de colonies de vacances avec la Mano Negra, enfin bref, c'est parti dans tous les sens, et surtout la prise de la programmation du début du Mistral Gagnant, ouais. Avec un branle-bar de combat. Une programmation ultra régulière avec la scène rock française et plus. Et c'est parti petit à petit sur du festival. Donc une première version qui s'appelait Gagarage. Festival dont on vient d'entendre un jingle de... qu'on ouais. a passé juste avant. Hein. C'était un des festivals. Ouais, on a fait un Gagarage, on a fait un Melting Dub. Et après on a basculé dans le côté obscur avec Avataria. vous avez comment dirais-je, vous êtes vous avez arrêté Matsko pour attaquer directement sur Avataria. Quelle était l'idée de ce changement de nom, de structure, de... Alors, on avait écrit un truc j'ai laissé la parole au copil au copal, mais on avait écrit un truc sur notre site. En fait, on voulait repartir d'une histoire sans histoire. Et surtout on voulait élargir notre champ d'action, parce qu'il y a beaucoup de choses qui commençaient à nous intéresser plus que la partie simplement musicale et rock'n'roll, punk rock de Matsko, qui était aussi bien orienté sur l'informatique libre, inviter des conférenciers, s'inscrire dans le paysage local de d'autres façons. Donc il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées, qui ont commencé à alimenter cette partie-là de notre structure. Je pense pas que ça venait d'un épuisement autour de l'organisation de concerts, mais plus effectivement d'une envie de rejoindre des combats qui étaient un peu similaires. Donc tu parles de conférences d'hommes, effectivement. Moi, j'étais pas dans Matsko, j'ai juste rejoint la dernière année. Eh bien, on va en profiter, parce que tu causes, Agnès, de vous présenter tous. Hein, parce ouais. que là, on a entendu Dom, Berthet, que moi j'appelais Dom Molotov, quand il, à l'époque de SWK, quand il avait 12 ans. C'était bien. Ben, je vous en prie. Alors, à gauche, je dois avoir Gigi. Yes, alors moi bah, je suis là depuis le début, depuis 89, j'ai eu des trous dans l'Avataria, dans la raquette comme on dit, mais ouais, j'ai toujours fait partie de l'histoire et voilà, je suis encore là. Yes. Ok, cool, Gigi, Eric, c'est un nouveau venu. Ouais, enfin, je suis le dernier, ouais, je suis le petit dernier. Enfin, ça fait peut-être 10 ans que t'es là quand même. Non, pas 10 ans, je suis arrivé juste après la fin du festival. Quand il y a eu un petit moment de crise dans Avat, et il y a eu des réunions, il y a eu « est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer, ça serait cool d'avoir du sang neuf ?»« Ah ouais, moi je veux bien. Ouais, mais bon, on arrête le festival. » Mais bon, c'était bien parce qu'il y a eu d'autres choses aussi, des nouveaux horizons qui sont ouverts et voilà, des belles expériences. La connexion Lorraine, ça. Ouais, voilà. Il y a toujours eu un rapport incroyable entre Nancy et Saint-Etienne. On va écouter un morceau des doubles, hein, t'inquiète pas. Ça doit être la mine, ça, qui va faire ça. Bah oui, évidemment. Ok, donc ça, c'était Eric. Agnès. Alors moi, c'est Agnès. Je suis rentrée, donc, comme je l'ai dit, pas dans Matsko, vraiment, à la rigueur, la dernière année, si je me souviens bien, j'avais donné un coup de main sur Melting Dub et puis la dernière soirée avec OLC, je me souviens. Mais on va dire que c'était presque anecdotique. Et quand je suis rentrée sur Melting Dub, c'était que sur l'organisation de conférences, des choses comme ça. Moi, c'est ce qui m'a plus branchée dans Avataria. Et je suis restée dans Avataria jusqu'à ce qu'Eric arrive. C'est pas lui qui m'a fait partir. D'accord. Je me suis cassée à Amsterdam pendant quelques années. Donc, ça faisait plus sens d'être dans Avataria. Donc, 2018-2019, je dirais. Ouais, super année pour moi, quoi. Avec plein de limites aussi, mais ça, on peut en parler. Mais super expérience, et moi je m'occupais plus de la partie conférences, événements extérieurs, expositions, performances, etc. Voilà. Et aussi informatique libre, parce qu'on était deux informaticiens, enfin quelques informaticiens dans la team, donc notamment Dom, et on a porté aussi pas mal d'événements autour des résistances numériques, on va dire. Et puis on a notre vieux Dom, la grosse voix, à côté de moi. Donc pareil, membre historique, on va dire. Et puis du coup, dans les, on a déjà dit pas mal de choses, mais on a aussi beaucoup travaillé à se lier avec les autres structures de la ville. Donc on a pas mal participé au Festival des Résistances. On avait fait un festival à plein d'assauts aussi qui s'appelait Quartier Libre au mois de décembre. Qui était une suite du Festival des Résistances, ouais. Effectivement. Ouais. Beaucoup investi le musée de la mine. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Et puis je vais laisser la parole à Fred qui a quand même eu la phrase ultime sur la fin du Festival Avatarium, à savoir... Avatarium restera un festival de mineurs, donc je te laisse. Ouais, parce qu'on s'est arrêté au numéro 17 en fait. On s'est dit voilà, 18 c'est la majorité. Non, faut que ça reste un festival de mineurs. Merci Dom, j'avais oublié d'ailleurs. Ouais, moi c'est Fred. Donc moi je suis arrivé. Alors c'est marrant parce qu'on parlait justement du switch en fait entre Matsko et Avataria. Et moi je suis disquaire à l'époque. Enfin, je bosse dans un magasin de disques et j'ai Dom et Tony qui viennent me chercher pour remplacer Sexy Rubber Soul sur le dernier Gagarage en fait. Et Tony m'explique que justement il veut que l'électronique prenne plus de place sur la scène stéphanoise et donc voilà. Et tout de suite, moi en 80, donc après c'est 99, donc création d'Avataria, je suis sur la première édition. Ensuite, je sais pas, comme Agnès, moi je pars en Espagne et donc j'ai un break de 4-5 ans et je reviens dans Avataria après au début des années 2000. Voilà. Et après, moi je m'occupais surtout de centraliser la programmation parce que c'est une programmation collective, mais il fallait quelqu'un pour centraliser, donc voilà, je m'occupais de ça. Donc si on veut revenir sur les groupes, j'ai de quoi raconter. Et il y avait le Oldrat qui était avec vous depuis le début. Ouais. Tony, pas dans Avataria officiellement, mais il a toujours, de toute façon, oui, il était dans nos têtes, enfin moi, surtout dans la mienne, assez souvent, et puis pour les programmations, c'est vrai qu'aller discuter programmation avec le vieux Tony, c'était toujours des beaux moments, quoi. C'est lui qui a fait le lien aussi, il fait partie des gens avec toi, et toi Lolo, je dis parce que personne ne nous voit, c'est pas la peine de se déshabiller, hein. Oui, c'est vrai que le Tony il m'a un peu éduqué. Et... Il a été programmateur principal, enfin c'était aussi des programmations collectives, mais avec Denis, Stéphanie, programmation de la partie Matsko, notamment au Mistral Gagnant. Voilà. C'est un grand absent, on va dire. Enfin, on va pas mal le voir là sur le Furiana. Bah, on le voit sans le voir déjà. Il a sa tête de partout, ouais, là, je crois. Clair. Il a le visage caché. Donc, ce fameux Tony et la couverture du disque, du livre, du livret, de l'affiche, de la soirée. Quelque part, c'est bien lui. Hein. C'est-à-dire, il y a sa tête. Il est revenu. Mais il est caché. Il se cache lui-même. Il se cache en même temps. Il met la mauvaise graine et puis il part. C'est on voit ses grandes oreilles. C'est le mauvais Jésus. Le rôle dans la structure, on a fait vite fait, ça a été dit. On a tous un peu tourné sur la partie, on s'est tous un peu fait la partie des parties administratives, à part Fred qui est resté l'artiste du. De l'histoire. C'est dingue, moi j'allais défendre les dossiers de sub avec Agnès, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Hein, pas fou à l'artistique, ouais, c'est toujours le meilleur. Agnès, ouais, ouais. T'es présidente longtemps. Ouais. Ouais, je sais plus, 15 ans, un truc comme ça. C'est vrai qu'Avataria, il y a quand même une spécificité, c'est qu'on a toujours demandé des subs. On estimait que, c'était déjà le cas dans Matsko d'ailleurs, oui. On estimait que, voilà, il n'y avait pas de raison qu'une asso comme la nôtre n'ait pas le droit à un peu de support, en tout cas municipal, un peu de sub départemental aussi. Donc ça nous a quand même assez aidé. On a eu un matelas, on va dire, pour démarrer des festivals un peu de trésor à chaque fois, mais... grâce à ça, on va dire que ce n'était pas notre but ultime, mais grâce à ça, c'est vrai que ça nous a permis de faire des prix assez bas, d'avoir des artistes qui étaient payés convenablement. Donc voilà, ça c'était un peu... C'était l'idée de la piraterie aussi, hein, ouais. Récupérer des sous. Ouais, et ouais, puis ouais. On était, je pense, aussi assez militants là-dessus, parce que déjà sur Matsko, on faisait un truc où on ne devait pas être nombreux à le faire, on demandait des licences d'arrêt d'essai sur les groupes. Parce qu'en fait, l'idée, c'était comme le milieu bénévole n'était pas du tout reconnu, musicalement, sur les scènes musicales, en fait, il n'y avait aucun système d'assurance, aucune protection pour la partie artiste. Et donc, on a essayé d'insuffler quelque chose comme ça, en voulant prendre un statut. Donc, sur chaque concert, on demandait des licences d'arrêt d'essai. On a vite demandé de la sub, tout le temps en gardant un discours raisonné sur la sub, à savoir qu'on ne voulait pas être un festival, aidé par la sub. Mais pas... pas dépendant. Pas dépendant, bien sûr. On avait estimé que c'était de l'argent public, que les gens devaient avoir un retour et que c'était normal de prendre des subs pour justement redistribuer cet argent pour que tout le monde puisse venir au concert à des prix... Des pirates, je vous dis, des pirates. Ouais, un peu ça. Après, ça a créé des situations assez drôles, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est quand même tapé des... Tout à l'heure, Fred, tu disais, on est allé à la mairie plusieurs fois demander des suites. Bah oui, c'est vrai qu'on s'est souvent retrouvés à défendre des projets assez extrêmes, radicaux, face à des gens qui ne comprenaient rien, mais qui, au final... panait suffisamment. On n'a jamais menti. Enfin, il y a quand même un truc important, c'est que on a toujours été assez explicite sur tout ce qu'on faisait. On présentait toute la programmation, on n'a rien caché. Mais c'est vrai qu'on s'est longtemps retrouvé face à des gens qui étaient très éloignés, en fait, de la culture qu'on représentait. Il panait rien, en fait. Et je me souviens d'une anecdote. Oui. Il y a un gars de la mairie, je ne vais pas citer son nom, parce que je ne m'en souviens même plus, qui va dans un bar et il avait rendez-vous avec nous et en fait il oublie son agenda. J'ai le nom. Et il y a un pote à nous qui voit l'agenda et qui dit attention, rendez-vous avec Avataria, les anarchistes. Ce qui je pense qu'on peut pas nous définir comme anarchistes. Enfin, certains d'entre nous on l'est, mais c'était pas ça forcément qui nous décrivait fortement. Voilà, en termes de com et tout ça. Mais voilà, ces gens-là nous voyaient comme ça. Et j'ai toujours trouvé ça assez drôle de continuer à aller chercher de la sub et au final on l'avait quoi. Bah, ouais, c'est chouette, hein. Il faut bien avoir les moyens de faire les choses. Et bah ouais. Il n'y a pas de. Un petit peu de zik. Hein, bon, on va s'écouter un morceau de Nancy, non ? Tu vois un de qui je parle ? Nelson ? Bah ouais. Direct, d'accord. Ouais, c'est clair. Non, alors, normalement, si je fais clic comme ça, ça va marcher. Ouais, c'est ça. Allez, à de suite. Donc c'est les doubles, ça. On peut. Il y a un truc, hein, on pourrait lancer un jeu concours. Combien de fois les doubles Nelson ont joué à Saint-Etienne ? J'ai pas la réponse, hein. Je pose la question à Dom. Record. J'ai pas la réponse non plus. Ouais. On peut aller voir la story. Hein. Et ouais, bien sûr. Il y a un truc magnifique sur le site d'Avataria, www.avataria.org, qui s'appelle La Storia. C'est la Bible. Inspiré d'un bouquin de Spinrad, d'ailleurs. Et du coup, où il y a à peu près toute la liste des concerts qu'on a pu faire jusqu'en 2000. Je crois que j'ai pas mis les tout derniers. Il ne doit pas y avoir l'Avatar Boom. Ah, il n'y a pas l'Avatar Boom. Donc il manque un double Nelson. Oui, exactement. Mais tu peux faire une recherche par double Nelson. En fait, si, tu peux trouver. Tu fais la recherche et tu. Oui, mais là, je ne suis pas en lien. Là, c'est une copie de. Okay. Ouais. Bon, et Dom, tu as fait assez de radio. Hein. Parle bien dans le micro. Ah, yeah. Je bouge plus. Oui, c'est bien, les doubles, c'est assez représentatif de l'esprit de Matsuko Avataria. Musicalement, dans l'esprit d'espèce d'autonomie, la Lorraine. Hein, parce que Tony, il avait été aussi fouiné là-bas. Et puis même à l'époque de Kronstadt, je me souviens, on avait des super contacts avec la bande de Nancy, là. Puis assez rigolo, parce que la rencontre, les doubles, on les a vus avec Tony aux États généraux du rock à Montpellier. Et ouais. Chez toi. Ouais. La première fois. Justement, bon, période historique, vous avez fait le tour, plus ou moins. Des choses à rajouter, particulièrement. Non, faut revenir dans le non, présent. Non, mais c'est vrai, vous avez parlé des festivals des résistants, vous avez parlé des conférences logicielles libres, tu viens de parler de Spinrad qu'on a rencontré ici, avec son petit sourire malicieux, là. Ouais, elle énonçait qu'il a bougé son corps sur le dance floor d'un Avataria, ou de Matsuko, d'ailleurs, je me souviens plus. Le premier, d'ailleurs, non. Pour moi, je les mélange un peu, hein. Pour moi qui suis parti, ça fait longtemps, c'est difficile de faire la différence entre les deux. Même si vous avez bien expliqué la différence. Oui. Alors, juste un truc, je ne sais pas si il est prévu une interview autour des gens qui organisaient le Festival des Résistances, mais si ce n'est pas le cas, moi, c'est un truc qui m'a vraiment intéressé dans Avataria, enfin, le fait de participer à ces trucs-là. Et c'est quand même une spécificité stéphanoise dans le sens où des gens se retrouvaient à organiser un festival, mais pas que musical, avec beaucoup de conférences, beaucoup d'espaces de discussion sur ce qu'étaient les alternatives à Saint-Étienne. Et on retrouvait des gens du théâtre, des gens de quel que soit le type de performance avec nous. Il y a eu des gens de Main dans la Main aussi qui nous avaient rejoints, qui étaient un collectif de personnes sans domicile fixe qui s'étaient greffés à nous une année. Des artistes, des collectifs qui organisaient des concerts punk. Enfin bref, il y avait entre 10 et 20 organisations qui faisaient ce truc-là à Saint-Étienne. C'est devenu quartier libre, effectivement, derrière. Mais ça, c'est un truc un peu unique. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'histoire stéphanoise, dans l'introduction qu'on vient de faire, là, parfois on entend oui, parfois il y a eu des crises, etc. Oui, il y a eu des crises comme dans plein d'assauts dans Avataria. Mais en fait, au-delà de ça, ce que je trouve quand même assez unique sur Saint-Étienne, c'est cette potentialité de faire des choses ensemble, même si on est vachement différents. Et ça, c'est quand même un truc assez unique. Et dans le Festival des Résistances, qui a quand même eu lieu avec Quartier Libre, je dirais 4-5 ans, c'est un truc plutôt chouette et qui a permis à plein de gamins, plein de plus jeunes, plein de gens qui arrivaient pas, qui connaissaient pas Saint-Étienne, de se rendre compte de toute cette diversité de gens qui faisaient des trucs intéressants à Saint-Étienne et pas du tout dans le monde marchand, quoi. Donc ça, c'était plutôt un truc cool. On était loin d'être les principaux organisateurs, hein. On était tout un collectif, etc. Mais moi, je me souviens pas mal de réunions. Et c'était vraiment des super souvenirs de ce truc-là. Et peut-être qu'un jour, il renaîtra. Pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quelques années, on a essayé quand même de... Ça faisait vraiment partie, du cœur d'Avataria, d'ouvrir, de créer un événement, en l'occurrence le Rennes Cœur d'Acier, et d'ouvrir ça sur... Beaucoup de collectifs. Beaucoup de collectifs, et pas que des collectifs. Les individus étaient bienvenus. Tous ceux qui avaient des idées, qui voulaient participer, porter des choses. Il y a eu de nombreuses réunions, de nombreux confinements qui ont tué un peu le projet, et fatigué un peu beaucoup de monde. On était venus ici en parler, et c'était vraiment... pour moi, ça fait vraiment partie de l'état d'esprit aussi d'Avataria. Et puis sur l'organisation d'Avatarium aussi, je pense qu'au niveau des bénévoles, d'un coup on se retrouvait tout de suite avec plein de gens de plein de structures qui venaient filer la main, je pense à la France Pu notamment, et puis il ne faut pas oublier que sur la partie programmation, il y avait quand même des réservations, enfin on réservait deux cartes blanches en fait à la France Pu et Universal pour avoir vraiment, parce que c'est vrai que pour le punk rock c'est vrai qu'on pouvait faire confiance à la France Pu et puis et à Dimitri aussi qui est quand même quelqu'un qui écoute énormément de musique et, donc Dimitri c'est Universal. Ouais, Universal, ouais, tout à fait. Et du coup, dans les deux choses emblématiques sur ces échanges interactifs et ultra positifs, moi je le vois vraiment révélé, par exemple sur la première édition du Quartier Libre, on se retrouve au Musée de la Mine, qui était une structure que pouvait prendre Avataria de par ses contacts, de par le fait qu'on allait chercher des subventions, l'historique et tout, avec les copains invités sur un système de prix libre qui avait été inculqué, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est des pratiques qu'on avait commencé à échanger avec les plus alternatifs et qui sont complètement rentrées dans nos systèmes de fonctionnement. Le tout de façon ultra militante, en soutien à Radio Duo qui est là, enfin avec un espèce de sens global dans tout ce qu'on pouvait faire. Et le deuxième exemple que je vois comme ça, qui est un peu plus différent, mais plus musical, on va dire, c'est sur la fête du bruit. Les premières fêtes de la musique qu'on a fait, où on nous a pas laissé les plateaux très longtemps, parce que justement, Double Nelson, justement, est-ce qu'ils vont se mettre tout nus? Enfin, on a quand même eu des trucs comme ça. Ça, il faut que t'expliques, Tom, un peu, là. Est-ce qu'ils vont se mettre tout nus? C'est pas des potes à toi qui t'ont dit ça. Oui, c'était des représentants de la municipalité qui ont eu peur quand ils ont vu le premier plateau qu'on a fait. C'était pas une fête naturiste. Mais bon, voilà, c'était des petites anecdotes, mais surtout, on s'est retrouvé à partager ces plateaux-là avec les gens qui sont devenus la France plus après, avec Toto N'aime pas la soupe. Enfin, il y a toujours eu un espèce de mélange comme ça sur Saint-Etienne qu'on, nous, on a essayé d'entretenir, je pense, et de faire vivre au maximum en respectant les pratiques des gens. C'est-à-dire, c'est pas simplement on vous invite parce qu'on est les grands avatariens, en fait. L'interaction était totale. Quoi. Joli partage. Il y avait les alternatives sous système aussi à la fête des résistances. Ah, il faut toujours que je les place parce que c'est les, c'est les petits frères aussi, lui, c'est quelque part. Il fait des trucs quand même assez chouettes, il et elle. Bon, qu'est-ce que j'ai... Alors derrière, j'ai dans votre pile, là... On va peut-être s'écouter un morceau de Hightone, non? Allez, oh, Hightone. Allez, ouais. Tu me dis, hein, parce que là... Ah bah vas-y, Hightone. Donc Hightone, Melting Dub, la jonction entre Matsko et Avataria. 98. Hop là. Ouais, ça y est. We'll be right back. fight just like we used to do. All right. Fight just like we used to do. Yop là, c'était les Hightones. Les amis lyonnais. Peut-être que. Ils ont joué combien de fois eux à ça? Pareil, les Hightones. Moins que les doubles. Fred, t'as choisi tous les morceaux là, qui sont proposés. Ouais. Et tu peux peut-être dire que c'est uniquement des morceaux de des groupes qui ont joué. Ouais, en fait, la sélection que j'ai okay. faite, j'ai fait ça hier en fait. Et j'ai pris tous les Avatariums. J'ai fait un choix de deux groupes par et puis après je me suis aperçu qu'on allait passer la journée à écouter de la musique, donc j'ai restreint un peu le truc. Moi j'ai mis des coups de cœur, hein, surtout en fait, hein, des coups de cœur perso, puis des trucs qui représentaient un petit peu quand on attaque par Varumjo. Enfin, c'est vrai que c'est aussi une spécificité de la programmation d'Avataria. C'est, enfin, moi ce qui me plaisait vraiment là-dedans, c'est qu'on passait du hip-hop au punk rock, en passant par le dub, en passant par l'indus, la musique électronique. C'était pas un festival qui était clairement on va dire identifié musicalement, il était surtout sur la diversité des groupes. Moi, je sais que les discussions de programmation, c'était des moments passionnants dans les réunions, vraiment, parce que chacun amenait des choses. On discutait aussi du ce qui était important, c'était certes la qualité musicale, même si tout le monde n'était pas tout le temps d'accord, mais il y avait un truc qui était hyper important, c'était l'éthique du groupe. Oui, c'était un truc qui était hyper important. Ouais. Ça, ce groupe, qu'est-ce qu'il a fait, comment il le fait, qu'est-ce qu'il raconte, etc. C'était quand même quelque chose qui était primordial et qui a permis, moi, par exemple, d'insérer des groupes. J'aurais pas du tout imaginé que les gens allaient dire ouais, ok, c'est cool. Et moi je parle par exemple d'Underground Resistance. Quand je présente Underground Resistance, là tout de suite tout le monde fait ok, alors que je pensais que j'allais me battre pour imposer la présence de ce groupe de bah quand même, ouais, mais voilà. Mais en fait, tu vois, c'est pas forcément bon. Évident, tu vois, et je trouve que c'était absolument hyper intéressant, parce que d'un coup on se confrontait tous aussi entre nous par rapport à nos styles, à des choses qu'on connaissait pas. Et moi c'était vraiment un festival de découverte, quoi. Tu peux rappeler que c'est un Underground Resistance. Voilà. Ouais, bah ouais, enfin, groupe après, de techno de Détroit. Ouais, c'est un groupe de Détroit qui est politiquement extrêmement engagé, en fait, qui est très proche des idées du Black Panther Party, et qu'on a pu inviter sur le festival, quoi. Et que c'est, enfin voilà, c'était vraiment comme un moment, un des plus grands moments, moi, pour moi, c'était ah, les invités. En fait. J'imagine bien, mais c'est vrai que quand la techno est arrivée, moi je me suis fait pourrir pendant des années et des années. Ah, oui. Donc j'imagine que quand toi t'es arrivé, tu as peut-être été sur la pointe des pieds et as été agréablement surpris. Ouais, mais c'est ça, non, mais parce que justement, après, c'est pas que de la musique, on sait, Lolo, tu sais. Absolument. Ce que. Absolument. Voilà. Et puis il y a des personnes différentes qui sont rentrées dans l'Avataria à ce moment-là. Exactement, mais il y avait un gros melting pot de gens, ouais, qui n'écoutaient pas tous la même chose. Ouais, ouais. On a toujours été ouvert sur toutes les musiques, on voulait toujours qu'il y ait plein de choses différentes, donc ça matchait, quoi, à part écouter de la. Pas les trucs de merde, mais ouais, tout le reste, c'est. Ça, ouais, fonctionne. Moi j'ai 21 ans quand je rentre, hein, dans le truc, hein, donc je suis un gamin, ouais. Donc c'est vrai que rencontrer des gens comme ça, moi ça m'a vraiment fait quelque chose, quoi. Et justement, on parlait du fait de peut-être revenir sur le Mistral gagnant, Dom ou Gigi, ça serait bien que vous en parliez, parce que moi j'étais comme Fred, on a le même âge, à l'époque du Mistral gagnant, moi j'étais public, c'est-à-dire que les gros concerts Matsko, enfin la ribambelle de concerts Matsko qui a eu lieu au Mistral gagnant, ça a fait, ouais, mon éducation politique plus que musicale d'ailleurs, ça serait bien que vous reveniez peut-être là-dessus. Bah, on peut parler peut-être de la rencontre, parce que rien que la rencontre avec le Mistral, je pense qu'elle est assez magique. On était en train, en fête de la musique aussi, on avait programmé un Internal Exile, donc qui était un des groupes dont tous les membres faisaient partie de l'association à ce moment-là, dans un bar dans lequel ça s'est très mal passé, et on s'est retrouvé avec le matos dans la rue, on est passé devant un bar où il se passait rien. et du coup, on s'est installé. En fait, on est reparti à la fermeture du bar. Donc en 96, je crois. Fermeture du Mistral. Non, je sais plus. Non, plus Mistral, après. C'est... Ah ouais. Non, c'est après. Okay. C'est 2003. 2003. Oui. Ouais. Ah, bien, il y a des vidéos, qui tournent, mais je suis pas bon sur les dates. Non. Et donc c'est un bar qu'on a pu investir pour faire du concert, s'installer. On a eu un local en face, ouais, avec beaucoup de vie associative, dont notamment les expériences Jungle Exotica. Une programmation. On est monté à plusieurs concerts par mois. On était quasiment en concert hebdomadaire, on peut dire dessus. On en faisait un voire deux. dans le week-end. Et c'était le dimanche soir. Ouais. On arrivait à en faire les dimanches. Et puis petit à petit, surtout ce qui a été intéressant et qui correspond un peu à tout ce qu'on est en train de raconter pour le moment, bah, les autres collectifs ont commencé à s'accaparer le lieu, à pouvoir jouer dedans. Et il y a une vraie vie musicale, je pense, sur le Mistral gagnant, qui mériterait, comme Furiana, pratiquement un bouquin et une compile, quoi, du coup. C'était devenu un des lieux emblématiques quand même de la scène alternative, de tournée de concert, de, connu des tourneurs, connu de... Bah, tout est parti du rock alternatif, la vague française fin des années 80, début des années 90. Et après, avec l'ouverture, quand Tony est arrivé dans l'assaut, on a vraiment élargi le truc sur une programmation plus internationale. Ça pourrait aller de Doc Festerman, ZX, Kelvin Russell, Les Vents Passent, c'est à l'image Mystic Revelation of Rastafari, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bikini Kill, c'est ce que j'allais Braignac, dire. J'allais dire. Et les Bikini Kills. Quand j'ai vu que ça avait été programmé quelques années plus tard, je me suis dit putain quand même. C'était un truc de fou. C'était 94, c'était je pense l'année la plus dingue. Au niveau de la programmation du Mistral, c'est à ce moment-là où on en faisait deux, même. Je crois qu'à un moment, on en a fait trois dans la semaine. C'était... Bah voilà, tu bossais à côté, t'étais naze, épuisé, mais ça fait rien, c'était trop bien. C'est sûr que ça doit être... C'est un peu éprouvant, hein, tout ça. Ouais, bah c'était... Et juste un truc, là, vous veniez de dire... vous avez commencé à faire des concerts au Mistral gagnant, nous on était gamins, on y allait avec Fred, etc. Et puis il y a d'autres assos qui s'y sont mis à faire des concerts aussi au Mistral gagnant. Et vous avez parlé du local en face. Et en fait... Juste pour faire lien avec le Festival des Résistances, ce qui s'est passé, donc t'as parlé d'hommes de Jungle Exotica, qui était une association dans laquelle des gens de Matsko, Avataria, des gens de la France, puis des gens d'Izmir, enfin plein de gens se retrouvaient là, d'Énervé, etc. Énervé, c'était une autre association qui faisait des concerts et qui sortait de la musique. Et en fait, cette association officiait le lundi soir avec un repas à prix libre végétarien autour d'un thème, une expo, une conférence, etc. Et donc ça encore, ça révèle un peu l'ouverture qu'on essayait d'avoir. Mise à disposition de lieux, ouverture des failles pour que des gens puissent utiliser ça et se l'accaparer et faire des choses alternatives. Quoi. Et Black Knight, qui n'était pas loin aussi. C'est rigolo, ça. Oui. Alors, ils ont partagé un local de répète. Pas un local de répète, ils ont partagé un bureau avec Catman et Black Knight. Ouais. Nos potes Ardos et... Hirocam. D'ailleurs, dans la compile, il y a... Oui, qui sont dans les Catman et Black Knight. Oui. Bah, la plupart des gens dont on parle sont dans soit dans le bouquin, soit dans la compile. Hein, soit leur histoire est racontée, soit écoutable. Et pour revenir au Mistral, dans le livre... Il y a quelques belles photos du Mistral, dont une photo d'un mur. Quelqu'un peut nous en parler. Le mur d'en face. Ah, le mur d'en face. Le fameux mur d'en face. C'était la... En fait, c'était une traboule qui menait rue de la République et tout le monde allait soit se rouler un joint, soit pisser dans la traboule. Enfin, soit boire un coup à l'entrepôt. Soit aller faire... Ou mettre des coups de boule, d'où l'expression coup de boule dans la traboule. Et un jour, ils ont décidé de la murer et ils ont monté un mur très vite. Et les gens qui étaient au Mistral ont vu ça et tout le monde est allé pas taguer, mais tremper son doigt dans le ciment frais. Ouais. Sans déconner. Ouais. Avec la main. Il y avait libéré les toilettes de Buffalo. Ouais. C'était aussi les toilettes de Buffalo, le chien de Myriam, du Mistral. Du Mistral. Ah, vous devez en avoir d'autres comme ça, des anecdotes. Mais j'aimerais bien repartir sur les groupes marquants, parce que là effectivement on a entendu les Doubles, on a entendu Varum, Hightone. Alors après on va écouter Underground Resistance, puisqu'on en parlait. Ah bah ouais, super, merci. On a quand même fait le dernier concert de Condense au Mistral. Énorme concert, 96. Et aussi, belle rencontre, faites de la musique avec, programmée par la France Pu, la Transophobia à l'époque, sous son premier nom. Faut qu'on parle de nos concerts. Moi, je dirais, pour externer un qui c'est Mystic Revelation of Rastafari, parce que déjà, c'est aussi une rencontre avec Sam Clayton, qui était quelqu'un d'hyper important pour nous. Et puis la rencontre avec eux, une balade, je revois une balade dans Saint-Etienne, rue des Martyrs de Vingré, avec toute cette bande-là, complètement, mais faut que t'expliques qui est ce groupe. Oui. Donc, j'allais dire, les Mystiques. Donc c'est un vieux groupe jamaïcain qui était précurseur de ce qui est devenu le reggae avec Monsieur Clayton, Samuel Clayton, qui était un personnage complètement fou, hein, puisque c'était aussi politique. Il a fait beaucoup de choses dans le domaine de la santé en Jamaïque. C'est quelqu'un qui était capable d'aller voir les ministres en leur disant ça sert à rien de mettre des arbres le long des routes, autant mettre des arbres fruitiers, des tas d'anecdotes comme ça, et qui faisait des véritables rencontres musicales. Rasta, donc c'était très empreinte tout ça, et du coup on a fait des choses assez magiques avec eux. Enfin, ils sont revenus, je les vois avec des, ils ont travaillé avec des enfants dans le coin. On a fait un super concert au musée de la mine, oui, aussi. On parlera du musée de la mine à mon avis. Il y en a eu plein d'Orient aussi, je m'en rappelle. Ouais. Donc moi c'est pas que lui, mais voilà, c'en est un qui arrive comme ça. Alors, à vous. Bah vas-y, alors parlez-nous du musée de la mine, puisqu'on était dessus. Le musée de la mine, pendant quelques années, on a essayé d'y aller, on n'y est pas allé parce que c'était pas possible. On avait des refus. Mais pourquoi on était intéressé par aller là-bas? Parce qu'il y avait cette ambition de s'accaparer un patrimoine commun. Et quand tu regardes Saint-Étienne, en fait, que tu connais pas Saint-Étienne, t'arrives dans Saint-Étienne, t'as ce chevalement que tu vois très rapidement, qui est quasi à côté du centre-ville. Et donc, on avait envie d'occuper ce lieu pour pouvoir y travailler aussi des histoires occultées. Ça, on y reviendra sur la partie conférence. On expliquera ce qu'on a pu discuter dans ces murs. Et puis, au-delà de la partie politique, le lieu est assez magique, quoi. Donc, faire des concerts dans la salle des machines, sous le chevalement, dans la salle des pendus, ça... C'est, enfin, au niveau de l'ambiance que ça peut créer, c'est quand même assez unique. Donc c'est un endroit super. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment, j'ai des super souvenirs, des photos incroyables. Mais ça a été très long à l'avoir parce que il faut que la confiance s'installe, il faut que les personnes qui, donc le conservateur et d'autres personnes de la mairie donnent leur aval. Au bout de 3-4 ans, on a eu cet aval et on a planté notre premier chapiteau. Au début, on avait fait des chapiteaux, puis après, on a occupé que les salles. Il y a eu plusieurs configurations. Mais je pense que ça fait partie des histoires magiques d'Avatarium, parce qu'on a toutes et tous des souvenirs incroyables de ce lieu qui servait à la fois aux concerts et à la fois aux ateliers, conférences, etc. On voulait un lieu, en fait, une des choses que j'explique dans le bouquin là, c'est un truc qui était un peu frustrant pour nous à la fin, dans les premières organisations d'Avatarium, c'est d'avoir des concerts le soir quelque part et des conférences dans l'après-midi, relais en hautain, etc. Donc, on va dire, on n'arrivait pas à faire brasser les gens. T'avais les intellos l'après-midi et les gars et filles qui venaient le soir faire la fête, etc. Et les publics se croisaient pas. On voulait croiser ces publics-là. Et pour ce faire, il fallait un lieu unique. Le hall C, c'était pas possible. Enfin, tous les endroits où on organisait que des concerts, c'était vachement compliqué. Donc, le musée de la mine, c'était aussi ça, en fait. C'était occuper un lieu magique, porter l'histoire, intéressant à travailler sur la mémoire ouvrière, etc. Mais aussi un lieu qui nous permettait d'occuper des espaces différents pour un brassage des publics. Parce qu'à côté de ça, effectivement, occuper la ville dans des événements, dans plusieurs endroits, c'est vachement bien aussi. Ouais. Ouais, aussi, après, c'est central, hein, le musée de la mine, c'était central. Et puis, la dernière chose que j'ai pas mentionnée, c'était le quartier Tarentaise-Beaubrun-Séverine, que je trouve vachement aussi intéressant à travailler. Enfin, les conférences, par exemple, qu'on a organisées, les ateliers, on a vachement essayé de choper les gars et les filles du quartier, quoi. Les familles, etc. C'est un quartier ultra populaire à Saint-Étienne. Et ça nous intéressait aussi d'officier dans ce quartier-là et pas d'aller que dans les lieux de la bourgeoisie musicale, quoi. Absolument. Moi, j'ai une petite anecdote parce que tu veux passer un morceau d'Underground Resistance. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que quand je les avais rencontrés à Détroit, en fait, un an avant, et une des obligations qu'ils avaient imposées, enfin, on va dire à Avatarien, c'était de faire une rencontre avec des gamins de quartier. Donc, on avait organisé une rencontre avec Mad Mike, donc justement au musée de la mine, avec des jeunes du quartier. Bah, principalement du quartier de Beaubrun et de Tarentaise. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Donc, parmi les gamins, il y avait un futur DJ stéphanois assez connu qui s'appelle DRK et qui a discuté avec Mad Mike justement et qui avait pris une bonne claque aussi ce jour-là. Sans blague. Voilà. Ah, ça tue ça. Mmh. Et pareil dans les petites anecdotes sur le musée de la mine et pour rebondir sur ce que disait Agnès, comme quoi ça a été un petit peu long pour pour avoir faire comprendre en fait vraiment le sens de ce qu'on voulait faire, c'est que les premières éditions, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a notamment un monsieur des amis du musée qui était monté sur le chevalement en menaçant de sauter si on ne partait pas tout de suite. Ça, c'est parce pas fait, l'anecdote. Ça, c'est rigolo. Ouais, ça, oui. Et parce que ce musée-là, en fait, était utilisé principalement dans le cadre de fêtes étudiantes, enfin, une espèce de truc complètement fou qui laissait le musée complètement fou. Sale, pardon. Tout, ouais. Et du coup, nous, on est quand même une équipe où le musée. Moi, j'ai toujours dit. Le moindre mégot. Ouais, puis on le laissait plus propre qu'on l'avait pris, en fait, en général. Ouais, c'est pour ça qu'on n'avait même pas besoin d'avoir de la sécu qui tournait, en fait, parce que même les festivaliers entre eux faisaient vachement attention à ce que faisaient les gens à l'intérieur. C'est-à-dire que personne n'allait pisser contre un mur, ils allaient se faire engueuler directement par les gens qui venaient, quoi. Genre, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, etc. Et puis, je me rappelle de la team ramassage de clopes de la France Pu à 2h du matin, parce que faut savoir que c'était jeudi, vendredi, samedi, et le musée était ouvert le reste du temps au public le lendemain, quoi, à 10h, donc il fallait que ce soit clean. Tu vas nous faire croire que la France Pu faisait que ramasser des clopes. Ils étaient avec nous jusqu'au bout. Ah bah ouais, bien sûr. On avait un super régisseur qui allumait bien les lieux noirs pour avec une théorie comme quoi les gens iront plus pisser là. Mais après, c'est bien ce que tu as dit, Dom. Il faut bien rappeler que c'était pas facile pour les gens du musée, les amis du musée de la mine, donc qui étaient parfois des anciens mineurs, qui voulaient pas voir leur lieu en fait dénaturé par des fêtes complètement dingues. Donc c'est vrai que ça a été long. Mais quand on y arrivait, on était super contents. Et puis ils nous attendaient aussi, hein, chaque après, année. Les gens du musée, ils étaient hyper friands, ils étaient contents. Après le morceau, peut-être qu'on pourra parler justement des conférences, de qu'est-ce qu'on a véhiculé comme discussion au sein de ce musée qui, quelque part, satisfaisait, je pense, le conservateur. Bien chouette. Underground Resistance. Allez. Our radio station. Radio station. Here's our radio station. Radio Station. Et allô. Désolé, où suis parti là. Ah oui, on se dit un morceau de 8 minutes, c'est cool. Ça passe vite, hein. Ça part, on va s'amuse. On va se boire un café, on machin, on bidule. Attends, c'est quoi ça? Parce qu'il y a des bonges, des grosses réverbes, là, ça doit être les micros qui partent là. Je peux tout caler. Ah. On en était où? On parlait du musée de la mine, de ce pourquoi on y était. Et ouais, et ça c'est vraiment super, le fait effectivement de sortir de la simple programmation musicale, moi c'est ce qui m'avait toujours fait flasher, hein. de voir toutes ces conférences et machins. Ouais. J'aime bien que vous développiez ça. Pas de souci. Et avant de parler des conférences, juste un petit truc sur les... Moi, j'ai parlé du fait que c'était bien que les publics se brassent, mais aussi de sortir des lieux aseptisés. Le fait qu'on ait longtemps officié sur la partie concert au Hall C ou dans ce genre d'endroit, on n'était pas bien, en fait. Clairement, ce n'est pas des lieux qui nous correspondaient. Parfois, on investissait plein de temps pour faire une déco, un truc, mais ça ne sonnait pas juste, en fait. Bateau pirate. Je me souviens du bateau pirate. Ouais, exactement. C'était rigolo, hein. On a ouais, c'est Françoise, qui faisait partie de l'asso, elle nous avait vachement aidés. Le psy, enfin, il y a plein de gens qui ont été ultra investis. Mais néanmoins... Tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'on passait vachement de temps à occuper une salle qui était moche à la base et qui représentait vraiment tout ce qu'on pouvait détester en termes de cadre, quand je parle de la bourgeoisie, de la scène musicale. Je dirais, enfin, au lycée, ça restait une salle municipale, mais genre ça nous faisait pas triper, quoi. Mais surtout, voilà. c'est une fausse Apogo, quoi. Ouais. C'était un hangar qu'ils avaient pourri, boîte de conserve, quoi. Ouais. Le sait, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc bien content d'en partir. Et tu demandais sur la partie conférence, donc juste un petit mot là-dessus. Moi, je m'occupais quand même pas mal de ce truc-là. On faisait quand même tous les choix ensemble. Hein. Chaque fois qu'il y avait un thème, c'était quand même discuté. Même s'il y avait après une équipe de une ou deux personnes qui géraient la partie conférence, c'était quand même accepté par toutes et tous. Et donc, ce qui se passe, c'est que on commence à faire des conférences le jour 1, enfin dès qu'on a occupé le musée. Et les premières conférences, elles étaient très tournées sur les histoires occultées du musée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'occuper ce musée, ça nous intéressait, de travailler les histoires pas forcément véhiculées dans la muséographie actuelle. Et on avait un conservateur, Philippe Père, qui était quand même assez partisan de ça. Je pense qu'il ne m'en voudra pas si je le dis aussi clairement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il était... C'était une personne assez érudite, assez, quelque part, politiquement parlant, assez intéressante, dans le sens où il était, je pense, content que ces discussions-là se passent dans l'enceinte de son musée. Mais il ne pouvait pas officiellement les programmer lui-même. Donc, quelque part, les conférences de type... on avait fait une conférence sur l'histoire de l'immigration et des mineurs, au sens des gens qui travaillent dans les mines. Qui se retrouvaient en première ligne de mire au fond des galeries, c'était souvent les travailleurs immigrés. Donc, avec vraiment des politiques de management racistes, discriminantes, etc. Tout ça, ça a été clairement statué dans les conférences qu'on organisait. On faisait venir des gens qui connaissaient le boulot, hein. C'était pas nous qui faisions les conférences. Donc il y avait sur ce thème-là une historienne, une sociologue qui était venue. Bon, et ben Philippe Père, il était content que ça se passe dans son musée. Donc c'était quelqu'un qui laissait les portes ouvertes. Je ne connais pas vraiment dans les détails qui s'occupe du musée aujourd'hui. Je ne sais pas par contre si ce serait encore possible. C'est-à-dire que le fait de pouvoir faire ça, c'était aussi possible parce que ce gars-là, il acceptait de se faire hacker, il en était bien content de ce truc-là. Voilà. C'est bien de lui faire un petit hommage. Parce que franchement, après, moi, je le connaissais pas, c'était pas mon pote, quoi. Mais je veux dire, là-dessus. C'est des alliés objectifs. Ouais, exactement. Et après, on a fait une conférence qui m'avait assez marqué sur les femmes et la mine, où il y avait. Alors, les femmes et la mine, on parlait à la fois des personnes, enfin des femmes qui travaillaient à la mine, souvent à l'extérieur, mais aussi des femmes de mineurs. Il y a des femmes de mineurs qui étaient venues témoigner. Et ça avait été quand même assez incroyable. Donc, des femmes encore du quartier, parce qu'il y avait encore des immeubles, des maisons de mineurs autour du... Et ça existe toujours, hein, autour du musée. Et je me rappelle de plein de témoignages de ces femmes de mineurs qui ont toutes perdu leur gars à 60 balais parce qu'ils sont toutes... Ils sont tous morts de la silicose. Yes. Et elles expliquaient leur vie, en fait, ultra dominée, pas forcément que par leur mari, mais aussi par le système. Elles étaient sous l'égide d'un concours de la meilleure ménagère annuelle qui était obligatoire. Donc elles étaient obligées d'accepter que les gens rentrent chez elles et étudient l'intérieur pour voir s'il était bien entretenu. Il y avait ce concours-là qui existait, qui était ultra intrusif pour la vie privée. Et donc elles étaient venues témoigner de ça. Quoi. C'était quoi la vie d'une femme de mineur, en fait ? Quelle pression incroyable. Et après, les femmes, on n'a pas eu la chance d'avoir des femmes qui avaient travaillé, on va dire, dans la mine. Mais par contre, la sociologue expliquait qu'elles ne pouvaient pas aller au fond, les filles, au fond, au sens dans les galeries, quoi, parce qu'elles ne pouvaient pas se déshabiller. Il faisait très chaud, les gars étaient torse nus, et on ne pouvait pas accepter à l'époque que les femmes puissent se déshabiller, parce que ce n'était pas approprié. Enfin bon, bref, elles se retrouvaient à l'extérieur, faire un travail tout aussi dangereux et beaucoup moins bien payé. Donc toutes ces conférences-là, il y en a eu plein d'autres, hein. On a fait des conférences sur la gentrification... Voilà, mais c'est vrai que le souvenir que j'en ai, c'est d'arriver à faire transpirer, en fait, ces histoires qui avaient besoin d'être dites. Et qui, alors, petit regret, je pense qu'on aurait dû plus travailler les actes de ces conférences. Il y a eu très peu d'enregistrements, et ça, c'est un regret, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la surveillance aussi. Donc là, c'était plus forcément en lien avec le musée, mais avec l'histoire autour des mineurs. Mais on va dire qu'il y a plein de choses. J'aurais bien aimé de récupérer le matériel. Ça, c'est un petit regret. Mais on en parlera tout à l'heure. Avatara, c'était une petite équipe, finalement. On n'était pas assez nombreuses et nombreux pour pouvoir, je pense, faire tourner un événement comme ça. Donc tout ce qui est historique, oui, on a gardé les affiches. Oui, on a gardé quelques enregistrements. On a quelques photos. Mais toutes les conférences, très peu de choses qui restent. Hein. Voilà. Ah ouais, bah c'est comme pour SWK, on s'aperçoit 40 ans plus tard que des archives, il y en a peu. Bah ouais. Ni photos, ni enregistrements, et c'est dommage, bien sûr. Pour la prochaine pause musicale, je rejoins un peu ce que disait Agnès, ce serait bien d'écouter le morceau de Carter Tutti à Harmonic Coaction. Juste pour histoire, justement, on fait venir Chris Carter et Cosefani Tutti de Frobbing Gristle, un groupe mythique de musique industrielle qui nous propose en fait de présenter un projet qui s'appelle Harmonic Coaction. Et Harmonic Coaction, on travaille sur des archives de du musée de la mine, sur des sons qui ont été enregistrés au fond de la mine. Et donc c'est eux qui nous demandent justement de récupérer des enregistrements du lieu dans lequel ils vont jouer, parce que l'implication aussi des groupes aussi sur le musée, elle était importante, hein. On proposait aux groupes et au public d'aller faire une visite du musée gratuite, je me rappelle, c'est sur les coups de 18h. Ça, c'est bien de le dire, ouais. Et très souvent c'était on poussait les groupes à y aller, vraiment. Et c'était assez intéressant parce qu'on avait des gens qui venaient des festivaliers, donc des gens qui venaient faire la visite gratuite et qui se retrouvaient à descendre avec les doubles ou avec des gens comme ça, quoi. Donc avec des gens qu'ils allaient voir le soir. Je suis descendu avec Varum Joe. Ah super. T'étais content. Oui, enfin j'étais content, mais quand je suis remonté du fond, j'avais les larmes aux yeux. Hein. Ah, pas le fait qu'il y ait Varum Joe, hein, mais. Mais c'est vrai que ça, on demandait aussi aux groupes de s'impliquer, quoi. Je sais qu'il y avait des groupes qui s'impliquaient aussi. Déjà, on parlait du lieu aussi, par rapport aux groupes aussi. Chaque fois qu'on amenait les groupes dans le lieu, ils faisaient ils hallucinaient. C'était comme des dingues. Je me rappelle de Lydia Lunch comme ça, qui est rentrée dans la salle des pendus et qui a l'impression qu'elle prenait dans la tête toute l'histoire du truc de tas de gens à qui ça l'a fait, en fait. Hein, Moi, c'est Kazet qui arrive aussi sur le parvis et qui voit les fumerolles. On voyait les fumerolles sur le crassier. Et je lui dis, en fait, là, c'est pas du charbon, en fait. C'est des restes, en fait. C'est des restes du... Elle me fait, mais ça, c'est les restes fumants des ancêtres. Ouais, elle me sort ça, quoi. C'était très joli. Mais ouais, mais c'était vraiment un lieu qui les travaillait énormément. Donc Harmonic Coaction, ce morceau-là... il est travaillé avec des sons de la mine. Alors, on les reconnaît pas vraiment, mais c'est vraiment un enregistrement assez inédit qu'on trouve en ligne. Et dans le genre de réutilisation aussi, on a fait un journal, puisque toujours dans le même sens, on voulait étoffer le côté concert. Donc on a fait sur plusieurs éditions un journal, et la toute première édition de ce journal a été faite la couverture en encre de charbon. C'est une sérigraphie au charbon. Sérigraphie au charbon, ouais. Ouais, c'est classe, ça. On pourra en parler du journal aussi. Hein, ah oui, on pourra en parler, bien sûr. Ah bah parlez-en. C'est peut-être les seules traces qu'il y a. C'est là où on a un peu de traces de nos conférences. Ouais. Hein, mais pré-conférence, on n'a pas d'historique, comme disait Agnès, de la conférence en elle-même. Avec quelques personnes. Elles étaient longuement présentées, quand même. Gigi, Françoise, enfin, il y a quelques personnes qui ont vraiment tenu la partie mise en page. C'est gros boulot. Mais on voulait étendre... Fabien Cornu, effectivement aussi. On voulait étendre le truc, on voulait pas que ça reste qu'un truc éphémère avec des groupes qui passent. Donc il y avait tout un truc sur l'explication de d'où viennent les groupes, le côté politique, comme tu l'as dit, Fred. On insistait vachement là-dessus, mais aussi toute la partie conférence, performance, tout ce qui était à côté, on va dire, de la partie concert, qui pour nous avait la même place, en fait, dans le festival. Et puis ça, on pouvait proposer aussi aux gens qui venaient faire des conférences d'écrire au préalable des articles sur le sujet. Toutes et tous, ouais. Voilà, donc il y avait vraiment quelque chose, un travail qui se faisait aussi en amont, en fait, pour présenter le festival. Mmh. Et puis ça permettait vraiment d'avoir... Bah oui, on a quand même pas mal d'archives à ce niveau-là. Au moins, on a fait ça. C'est vrai que j'étais un peu dur avec nous-mêmes quand je disais qu'on n'a pas travaillé la partie archivage. On a au moins fait ce journal, ouais, ça, c'est vrai. Ouais, des archives papier, c'est surtout ça qu'on a. Ouais, pas beaucoup de sons. Ouais, pas beaucoup d'audio. Ouais. Si, on a quelques concerts enregistrés, mais je me les garde au chaud. Tu veux pas les partager, c'est ça? Si, si. T'es dégueulasse, toi. si, je sais. Après, la partie journal, ce qu'on voulait aussi, c'était toucher des gens qui n'étaient pas dans le réseau des concerts. Hein. Toujours dans l'esprit de vouloir brasser les publics et tout ça. Le journal, on le posait partout. On passait, donc j'ai cité Fabien, Gigi, Françoise, là, sur la partie conception du journal. Mais... tous celles et ceux qui le distribuaient, c'était des semaines de propagande active. On allait partout, on voulait que ce soit partout, dans toutes les MJC. Je me souviens de Vallée qui faisait des listes incroyables de tous les lieux. On tirait beaucoup d'exemplaires, il y avait beaucoup d'exemplaires quand même. Je me souviens plus précisément du chiffre, mais je me rappelle de palettes de... Il semble qu'en plus, comme il était épais, ça faisait des gros... Ouais, c'est ça. Donc on a beaucoup diffusé le journal, et c'est vrai que... Je me souviens, avec Dom, on était, et PAC d'ailleurs, dans le numéro 0, qui est un média alternatif à Saint-Etienne. Et à une époque, on a voulu faire un journal média alternatif en ligne, dans la lignée des indie médias. Et à une époque, on a voulu faire un journal pour les mêmes raisons qu'on a fait un journal Avataria. C'est qu'on veut que c'est un rapport différent sur la rencontre à l'autre quand on a un journal. Quand tu mets un journal dans un bar, dans une MJC, etc., les gens le prennent, le lisent, etc. Et on voulait ce rapport, en fait. On voulait élargir aussi nos publics et pas rester dans notre milieu convaincu... Un peu facile, quoi. Mais le journal, vous en avez fait combien? Parce que j'avoue que... Je crois qu'on en a fait 6. Ouais, je crois à peu près, ouais, c'est ça. Donc c'est pas la majorité des festivals. Puis il était beau, non, aussi. Mais j'avoue que j'en ai pas le souvenir. Ouais. Puis oui, on a parlé de Fabien et aussi Mika, hein, qui a fait de très belles illustrations. Hein. Ouais. Moi, je parlais de ceux qui concevaient, qui était un travail assez... Et JP aussi, je me souviens, JP, Jean-Pierre. JP qui a fait... Ouais. Jean-Pierre Marcel. Jean-Jacques qui en a fait... historique. JP qui avait repris un peu la main sur un ou deux festivals. Chaophonie. Mais oui, il y a plein de gens, mais c'était assez chronophage. Voilà, c'est ça. Les gens qui faisaient le journal, je me souviens quand même de... Pas de burn-out, mais presque. Il y a même eu des mots croisés, je crois bien. Il y a eu des mots croisés. Ouais, c'est Rico qui les avait faits, je crois. J'ai plus. Lire un journal, c'est du... c'est compliqué, c'est lourd. Hein. Oh là là là. Absolument. 6 exemplaires, enfin 6 numéros, je crois qu'il y a eu, la première c'était pas vraiment un journal, c'était une feuille de papier, donc on pouvait dire 7, mais je crois qu'il y a eu 6 exemplaires. Ouais. Ah bah 6 alors ça. Et après on a arrêté parce que c'était trop de boulot et qu'on était moins nombreuses et nombreux, donc ouais. Eh ben oui, c'est sûr. On en reparlera. 6 exemplaires, oui, c'est ça, 6 exemplaires. 6 numéros. On écoute Tutti. Ah, Carter Tutti. Attends, parce que là, hop là, et c'est parti. Non, c'est pas parti. Là, ça devrait être parti. Juste pour info, tu peux laisser tourner pendant un moment. Il faut s'imaginer que pendant ce concert-là, ça vibrait dans la salle. Et on avait toute la poussière qui s'était accumulée sur les IPN, qui tombait tout doucement, en fait. Voilà. Donc, ouais, faut s'imaginer que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. On est censé donner la fréquence de la radio tous les quarts d'heure, hein, si je me souviens bien. Donc vous êtes bien sur Radio Dio, sur l'émission dans le cadre du... Comment ils appelaient ça ? Radio Dion Dio ? Non ? Un festival Radio Dio, par rapport à la sortie de l'ouvrage Furania. Et aujourd'hui, ce matin, nous sommes avec les Matsko Avataria. Et on continue d'écouter. Carter Kuti. Ça, c'est de la bien jolie musique. Hein, oh oui. Hop là, je remonte tout ça. On en est où ? Enfin, il y a tellement de choses à raconter. On va rester plus longtemps, non ? Non, on se fait virer à 11h. Il y a quelque chose à t'apporte. Non, t'es en train de discuter entre nous, c'est-à-dire que sur le pour peut-être conclure sur la partie Avatarium en tant que telle. On travaillait tout le temps, c'est vrai, c'est sur les conférences, des ateliers aussi. On avait pas mal d'ateliers notamment sur la fin et sur des thématiques en fait. On se mettait toujours raccord sur une thématique et ces thématiques, on les laissait souvent en question ouverte, genre libre, jusqu'où t'es chez toi, des tas de et puis sur des thématiques plus piraterie, on a abordé. Le travail, globalement, on essayait de faire au moins un travail de cohésion sur la thématique. Allez, machination, je vois. Machination, cacophonie. Transmission. Transmission, ouais. Mais ce qu'on peut dire peut-être pour finir sur le festival, c'est que après le festival, il n'y a pratiquement plus de concerts, mais il n'y a que eu des moments de réflexion et de partage avec les gens autour de thématiques. Notamment l'étendue. Oui, et puis je me souviens qu'on avait fait un week-end autour de Philippe Kadik. Oui, bien sûr. Pourquoi cette idée est sortie et pourquoi Avataria a fait un week-end autour de Philippe Kadik, ça c'était intéressant. Et puis... Dooklit Yourself. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Et effectivement, l'étendue, c'était... Pour moi qui suis arrivé après le festival, je trouve que ça fait vraiment partie de l'esprit Avat. C'est-à-dire que les amis de La Laverie viennent nous voir. Encore une belle rencontre. Voilà, ils nous disent on veut faire jouer cette compagnie de théâtre. Est-ce que ça vous intéresse de faire quelque chose avec nous ? Et finalement, on a créé un événement pendant une semaine. Ouais, c'était hyper bien. Pareil dans les quartiers. En fait, ça a vraiment, en plus, ça a préservé l'état d'esprit des recherches qui avaient été faites au musée de la Résistance, la déambulation dans le quartier du Soleil. On a squatté les Halles avant qu'il les Halles, avant que ça devienne les Halles. Ouais. C'était un chouette mot. Mmh. C'était très avatarien. Ouais. Oui, complètement. Bien beau tout ça. Ouais. Et puis maintenant. Hein, qu'est-ce que vous en avez tiré individuellement, collectivement, la marque sur la ville? C'est une question ouverte. Hein. Pour moi, une grande fierté parce qu'on a quand même bien mouliné, bien perturbé dans le bon sens comme dans le mauvais plein de gens. Après quand même aussi de l'amertume parce que quand on fait le constat aujourd'hui de ce qui se passe politiquement, socialement, on est en pleine, on est en pleine déshérence et qu'est-ce qui reste de tout ça, qu'est-ce qu'on apporte au moulin, derrière, est-ce que... Il y a des gens, enfin moi je suis un peu largué aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des gens qui... La relève quoi. Voilà, qui reprennent le flambeau, qui se bougent le cul, je sais pas. Moi j'en entends parler en fait, j'en entends parler de gens qui ont jamais mis les pieds. Et je sais que, par exemple, Positive Education se réclame vachement d'Avataria aussi, même si c'est quand même diamétralement opposé sur des questions de fonctionnement, de financement, etc. Mais eux se disent, ouais, non, vraiment, c'est quelque chose qui a marqué, qui faisait bouger la ville, et ils ont vu des choses, notamment musique industrielle et autres, qui les ont marqués. Donc de temps en temps, on entend des gens qui disent, qui regrettent, bien sûr, forcément. Pourquoi c'est quand le prochain? Pourquoi vous le refaites plus? Voilà, ça, on pourra en parler, mais non, ça reste encore dans l'esprit des gens, même pour des... Je pense que ça a quand même marqué des jeunes générations. Ça, c'est... Mais regarde, c'est même clair. Si ça n'a pas trop marqué, c'est pas très grave. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... Moi, je suis partie quelques années de Saint-Thé, puis je suis revenue il y a 2 ans, et je trouve qu'il y a quand même plein de trucs cool qui s'y passent. J'y suis plus quotidiennement, mais j'y vais quand même de temps en temps. Il y a les gens de la Cale, les gens de la Laverie, les gens de la France Pu qui n'ont jamais arrêté, hein, quand même, faut le souligner. Alors que ça fait plus de 20 ans, la Gueule Noire, voilà, tous ces gens-là sont quand même super actifs et ça fait quand même la magie de Saint-Thé. Certaines se rappellent d'Avatarium. L'objet, ce livre, cette compilation qui sort, ça va permettre aussi à des gens de se rappeler qu'il y a eu une histoire, qu'il y a eu Kronstadt aussi. Est-ce que des gens se souviennent de Kronstadt? À la rigueur, c'est pas si grave si les gens s'en souviennent pas, mais qu'il y a un objet qui leur permette de lire ce que c'était, d'écouter ce que c'était, ça, je trouve ça intéressant. Moi, ça m'inquiète pas vraiment qu'éventuellement les gens connaissent pas. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment des choses encore qui se passent ici, dans cette ville. Et qui sont dans l'esprit en fait de ce qu'on voulait défendre à une époque quoi. Donc ça c'est plutôt bien. Puis il y a des gens qui traversent le temps comme Radio Dio. Hein. C'est oui, ce en ouvrant la parole. C'est ce que j'allais dire. Et Radio Dio qui est toujours là. Ouais, dans les choses que je de toujours sur le côté rencontre parce que je pense que pour moi c'était un des moteurs d'être interaction avec plein de collectifs, autant la partie collectif. Militants, gens qui font des choses. Ce fonctionnement a été super bien. Et par contre, avec des ruptures qui ont été faites, notamment avec les quartiers. Tous les premiers concerts qu'on a pu faire se finissaient dans les quartiers. On a pris en live la scission quartier en se prenant je me rappelle de concert de Cazet. Qu'on a fait sous chapiteau, on s'est retrouvé une bonne bande de petits blancs à être prêts et tombés de notre piédestal, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on a vu cette espèce de cassure avec les quartiers un peu difficile à vivre, des choses comme ça au sein de la ville en fait. On a pris aussi, on a vu les premières politiques, on a vu pas mal de trucs aussi. En fait, le fait d'avoir fait cet objet culturel, plus, on a vu les transformations d'une société, d'une ville. Oui. On a vu les premières lois anti-bruit sur les bars. Aujourd'hui, la situation à Saint-Étienne, elle est à la fois ultra active de façon underground, comme disait Agnès, avec la cale, la Gueule Noire, des espaces autogérés, des espaces d'expression comme ça. Mais il n'y a actuellement pas de lieu de concert depuis la fermeture d'Ursa Minor. Il y a une SMAC qui ne sert à rien. Il y a tout un pôle qui est soi-disant culturel. Qui est gentrifié, qui s'adresse à une certaine frange de la société. Il y a la comète, pour moi c'est une comète quoi, c'est un truc, c'est un ovni pratiquement. Mmh. C'est, enfin, bah, voilà, pas. Un truc qui porte bien son nom. il s'y passe des choses quand même. Ah sûrement, mais, ouais, mais ça me paraît tellement loin. Est-ce qu'une structure équivalente à ce qu'on avait nous, ouais, va pouvoir y aller et faire des trucs, ouais, et passer de la musique indus, passer des trucs, enfin, je pense pas quoi. Enfin, je pense qu'il manque, c'est toujours un problème de lieu en fait sur Saint-Étienne aussi à chaque fois. Mmh. Là on a parlé de lieu quand même, on a parlé du Mistral, on a parlé de du musée de la mine, on a parlé de lieu en fait aujourd'hui. Après il y a la Gueule Noire qui tient. Il reste la Gueule Noire. Ouais. Après, moi je pense que c'est une ville où il y a encore beaucoup de failles à exploiter, à explorer. Mmh. Qu'il y a des gens qui le font quand même, même si c'est pas la gueule que ça a. Oui, nous, oui, bien sûr. C'est pas moins bien en tout cas. Non, il y a pas mieux ou moins. Mais voilà, oui, mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui se passent par rapport à Lyon. Enfin, moi, j'ai passé 3 ans de ma vie à Amsterdam. J'ai passé pas mal d'années à Lyon. Là, on parle de trucs aseptisés. Il y a quelques squats à Amsterdam. Il y a quelques squats qui restent, etc. Mais c'est ultra compliqué d'ouvrir de nouveaux lieux. À Saint-Étienne, du fait de l'histoire de la ville, etc., il y a plein de failles possibles. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenue aussi habiter ici. C'est que je trouve qu'il y a vraiment des potentialités dans cette ville qui sont super intéressantes. Et oui, ce sera peut-être plus à quai à musée, mais ouais, moi, ce que je vois à la Cale, par exemple, je trouve ça super bien. C'était une amicale quartier assez classique. Ça l'est toujours, mais il y a plein d'autres trucs qui s'y passent. Des cycles de conférences incroyables. La Cale. Alors, qu'est-ce que c'est, la Cale? La Cale, c'est rue Royer à Saint-Étienne, dans le quartier du Crédroc. Et c'est une amicale laïque, tout là-haut, là. Si je ne me trompe pas. Ça reste une amicale laïque, mais il y a plein de concerts qui s'y passent. Voilà. La Gueule Noire, c'est un espace qui a été ouvert il y a une dizaine d'années, je pense, à Saint-Étienne, et qui est vers dans le quartier de Bellevue, et qui continue d'organiser très régulièrement des concerts, des ateliers, des espaces de rencontres. Enfin voilà, je trouve que ça c'est quand même un truc chouette de la ville. Alors que dans des villes plus bourgeoises, ce serait compliqué de garder ces événements-là et ces interstices-là. Bah, l'ouvrage Furiana, de toute façon, montre quand même bien cette espèce et de transmission et de vie qui s'arrête, qui s'arrête pas en fait. Que du coup, ça parle de lieu, ça va du 17, vers ça. Ah bah c'est comme moi dans mon blabla sur Kronstadt Blue Note, je remémore que nous aussi, on n'est pas arrivé sur rien. Avant nous, il y avait l'Antibroge. Je sais pas si vous êtes trop jeune pour avoir connu, peut-être. Je m'en ai parlé l'autre jour. Qui était un lieu alternatif. Il y avait une organisation de concert qui s'appelait Lady Manoda, où il y avait déjà Tony, où il y avait Johan de SWK. Ils ont fait jouer Soft Machine, Cannes. En fait, il y a toujours une filiation. Ça n'arrête pas. Donc on va considérer que ça n'arrête toujours pas. Faut pas que ça s'arrête. Non, faut pas que ça s'arrête. Continuez, les gars. Et les filles. Continuons, on va dire. Et des regrets? Alors, des regrets. Moi, c'est moi qui ai insisté dans la préparation de l'émission pour qu'il y ait ça. Non, mais c'est important. Pas des regrets, mais on va dire des choses que je ne referais pas pareil. Allez, disons les choses comme ça. Donc déjà, en termes de constat, je pense qu'on est toutes et tous d'accord sur le fait qu'on s'est quand même pas mal épuisé. Petite structure, à un moment donné, ça devenait un objet un peu gros. Des gens, sur le papier, 15 personnes, dans la pratique, 4-5 actifs. Donc du coup, on s'épuise, on se fatigue. Voilà, ça c'est... Je parlais du journal, des gens qui tenaient le journal à une époque, qui sont fatigués. Mais ça, c'était vrai partout, en fait, dans plein d'espaces d'organisation, les conférences, les concerts, la régie, tout ça. Donc ça, c'est un peu dur quand même. Mais c'est le cas de toutes les associations. Absolument, c'est normal que ça s'épuise un peu. Voilà. Les gens, ils grandissent, ils vieillissent. Après, ça serait bien de laisser la parole aux gens, parce que Dom et moi, on n'est plus dans l'assaut, Fred, je ne sais même pas. Mais Gigi et Eric le sont toujours. Donc vous trois, vous y êtes. Après, ça serait bien que vous dites un petit peu, avant que je parle de mes regrets ou de ce que je ne ferais pas pareil, dites peut-être ce que devient l'assaut aujourd'hui, où elle en est. Nous, ça fait 3-4 ans qu'on y est avec Dom. Elle est au point mort, totalement au point mort, en fait. Elle existe toujours sur le papier, c'est-à-dire qu'il y a toujours des statuts. On a toujours un président, un secrétaire. En face de toi. Ouais. Un peu de respect, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai que c'est dur à clore. Je pense que c'est extrêmement compliqué. Bah oui, là, on est en fin de vie, quoi. Enfin, on a porté le truc. Y a eu le Covid qui nous a flingué, je pense, parce qu'on avait encore des projets quoi avec Lorraine Cœur d'Acier et on n'est pas arrivé au bout. Et après on s'est dit puis pareil, ouais, ce que disait Agnès, tous les gens qui passent, qui sont fatigués, qui ont envie de faire autre chose, qui en ont marre, et puis c'est la vie, quoi. C'est un peu le principe des tases, hein, de toute manière. Rien n'est jamais définitif, tout évolue, tout s'intègre, et quand ça intègre, il faut mettre des grains de sable ailleurs, foutre le bordel ailleurs. Et puis, il y a quelques années, on avait fait une soirée au Lobster pour fêter les 30 ans quand même, de Matsuko Avat. Donc ça fait quand même un paquet d'années quoi, où il y a des gens qui y a des gens qui sont là depuis le début. C'est les vieux combattus. Mais ce que disait Agnès, c'est important sur le fait aussi le fait qu'il y a des personnes moteurs toujours dans les associations, et c'est vrai qu'il suffit qu'il y a un moteur qui lâche, on va dire, et bien c'est pas facile de repartir, etc. Moi je pense aussi à la régie sur l'organisation de concerts. Tant que Vincent était là et nous faisait des régies mais incroyables au Musée de la Mine, c'était chaque année. Et puis moi ce que j'aimais bien aussi au Musée de la Mine, je reviens là-dessus, hein, c'était chaque année il fallait que ce soit un nouveau défi. Je pense que ça s'est essoufflé aussi sur les dernières éditions quand on s'est retrouvé à faire la même chose que l'année d'avant, c'est-à-dire qu'on avait la même salle, on avait la même orga. Et là, d'un coup, il n'y avait plus de défis. Et je sais que pour Vincent, c'était important d'avoir un défi technique chaque année. Une nouvelle salle, un nouveau lieu. On était toujours sur la... Il fallait toujours que ça avance. Et du moment que ça s'est un peu, on va dire, pas encrouté, mais qu'on a fait un festival qui ressemblait à celui de l'année d'avant, il y avait un petit peu de... Je chantais... Il y avait plus la petite niaque qu'il y avait... Et puis des gens qui se fatiguent aussi. Hein, et puis Vincent, après, a eu besoin professionnellement d'avancer. Donc, il a fallu laisser la régie, donc laisser un dossier, le reprendre. C'est compliqué. Et puis, c'est des à-coups comme ça qui font que, d'un coup, ça, l'énergie baisse. C'est sûr. Après, c'est pas très grave. Moi, je pense que c'est des choses qui... Comme tu dis, Lolo, tu parlais des tasses, donc les tasses zone autonome temporaire. À Kimbe, je dis juste pour celles et ceux qui sont pas au courant. Interview. Et c'est vrai que c'est un peu le principe, quoi. C'est des zones qui vont... éclore à un moment donné des zones de liberté, d'autonomie, parfois d'anarchie. C'est la cool aussi que ça s'éteigne. Après, un des trucs qui fatigue au-delà des années qui passent, et puis de l'énergie pure, c'est le niveau de contraintes administratives et de contraintes légales qu'il y a sur le milieu associatif, où on s'est retrouvé à passer énormément de temps à faire de la paperasse et des trucs en fait que c'était pas exactement ce qu'on avait prévu de faire quand on a monté des assos. On passait énormément de temps sur des dossiers de subventions, les dossiers de subventions, après il fallait rebondir de commission en commission, des histoires de comptes. Et on n'avait personne qui était payé en plus de ça, c'est-à-dire qu'on était tous bénévoles. On a toujours été toutes et tous bénévoles. Après, si on enchaîne sur les regrets ou ce qu'on ferait différemment. Alors, moi, sur la technique, sur la partie technologie, j'en parle un peu dans l'interview, mais c'est vrai que, on était une sorte d'hybridation entre culture et politique, où on faisait à la fois des concerts, des conférences, et on essayait de promouvoir l'informatique libre. Mais je pense qu'on était, en tout cas, pour moi, assez technophile. C'est-à-dire qu'en fait, on disait aux gamins, allez, viens, on va essayer de t'apprendre à faire un robot. Moi, j'ai fait des ateliers comme ça, donc je le renie pas. Des choses autour de l'informatique libre. Certes, c'était de l'informatique libre, c'était une vision alternative de l'informatique, mais c'était quand même assez technophile. Et aujourd'hui, quelques années après, je m'écarte de la technologie, clairement. Je reste informaticienne, qui se sont professionnalisés là-dedans. Ouais. Et du coup, ça, tu vois, en tant qu'objet politique visible, on jouait quand même un rôle. Et le fait d'avoir participé à ce truc-là, de dire « putain, la techno, c'est bien ça », je me dis « putain, je le ferais vraiment pas pareil aujourd'hui ». Il y a des gens qui nous avaient un peu attaqués, comment ça, vous osez faire des ateliers de programmation, de robotique pour les gamins ? En fait, quelque part, c'est un peu légitime, effectivement, quoi, parce qu'on n'avait pas, dans ces ateliers-là, on apprenait à programmer, etc. Il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de discussion pour les mômes autour de l'éthique, autour de ce que c'est que la forme, que le numérique, les côtés obscurs du numérique. Et je pense qu'on aurait dû plus insister là-dessus. Est-ce qu'on en avait conscience moyennement à l'époque. Moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que nous, on venait, quand on a lancé ces trucs-là, on était dans cette espèce d'utopie Internet, informatique libre, tout le monde doit avoir accès à la révolution à la numérique. Yes. Mais c'était un vrai gros truc qui fait qu'il y a encore plein de gens qui en parlent et qu'on est tous devenus au moins technocritiques. C'est sûr, mais depuis, on s'est tapé les GAFA, on s'est tapé les réseaux sociaux, on s'est tapé la surveillance massive. Le capitalisme de surveillance et que c'est vrai que du coup moi je rejoins la critique, mais je pense qu'on est tous ultra devenu technocritique, justement, parce qu'on a fini par le prendre dans la... Mais on a participé. Le seul regret que j'ai, je te dis, ce que je ferais différemment, c'est que même si on n'était pas très conscient, il y avait quand même assez de choses. On était aux élites conf, sa mise date. À côté d'Homme et moi et d'autres, on montait un média alternatif, le numéro zéro. Donc, on était quand même en prise avec ces technocritiques. Et je pense que ça aurait mérité, hein, parce qu'on est ici pour parler des choses qu'on aurait fait différemment. Ouais. Allons-y. Hein. Ça aurait mérité ce truc-là un peu plus sur scène, parce que je pense que, moi, il n'y a pas longtemps, il y a encore trois jeunes qui m'ont dit « Mais ouais, c'était trop bien, vos ateliers d'informatique libre. Aujourd'hui, je fais ça, ça et ça. » Et je fais « Oh my God !» J'aurais mieux fait, on aurait mieux fait de parler de la vision critique. Donc ça, c'est le premier regret. Je ne sais pas si d'autres partagent ce point de vue-là, d'ailleurs, si, avant que je passe au prochain. Gigi, tu disais ? Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, aujourd'hui, la technologie, ça me gonfle, quoi. C'est tellement... ça devait nous libérer. C'est tellement une mainmise sur tout ce qu'on fait. On ne peut rien faire sans technologie. Moi, je suis content d'avoir un jardin et d'aller foutre les mains dans la terre, quoi. Et pour faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a quand même des conférences qui s'organisent avec les milieux impliqués, militants stéphanois, sur l'obtention d'un statut d'objecteur de conscience du numérique, par exemple, sur des choses comme ça, où, du coup, on est quand même en fight avec le quotidien. Il est en fight avec ça, quand même. Donc ça, c'est le premier regret. après, Agnès. Ouais. Après, non, mais après, c'est moi, je trouve que l'introspection, la rétrospective, c'est ultra important pour avancer. Genre, si on n'est pas capable de vraiment sincèrement dire comment on aurait fait mieux, bah, ça veut dire que ce qu'on a fait, ça sert pas à grand chose. En tout cas, ça pourrait avoir un impact plus grand. Après, l'autre truc que je veux noter aussi, c'est qu'on était pas vraiment diversifié comme groupe de personnes, pas beaucoup de filles, pas beaucoup de gens racisés, donc on était quand même un collectif uniforme. Je dis pas qu'on n'a pas essayé de s'ouvrir, je sais pas. Moi, je suis partie d'une asso qui travaille pour la visibilité des femmes techniques, etc. Et j'ai tout le temps, je suis invitée à des trucs, on me dit « Oui, mais les filles, elles veulent pas le faire de l'informatique, on va les chercher, mais on trouve personne. » Ouais, bon, on peut s'appliquer ça à nous. Je pense qu'on n'a pas beaucoup fait d'efforts, en fait. Dom, tu parlais du début de Matsko et tout ça. Peut-être que vous aviez des potes qui au Mistral, vous traîniez avec eux, c'était cool et oui, tout, la bande, machin. Néanmoins... Je parlais aussi tout à l'heure des ateliers, on essayait de récupérer les mômes des quartiers de Tarentaise, mais on n'y était pas à Tarentaise. On était quand même un collectif de blancs, un peu bourgeois, un peu bobo. Donc, c'est pas grave, enfin, je trouve que c'est bien de le statuer aussi. Et je pense qu'à cette époque-là, ça aurait peut-être valu le coup si on se prétendait politique. Ce que tu dis, Gigi, est intéressant aussi. Hein. Tu dis, regarde la morosité du truc aujourd'hui. Je ne sais pas si je ferais la même chose aujourd'hui dans ce sens-là. En tout cas, peut-être pas avec les mêmes gens. Pas pareil. Et vraiment, je miserais plus sur l'ouverture, le faire ensemble, sur une échelle peut-être de quartier, je sais pas le même genre de territoire, voilà. Et c'est pas vraiment un regret, parce que j'ai aucun regret de l'avoir fait comme ça, mais c'est, tu vois, la question c'était qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui ? Bah aujourd'hui, il m'en reste de pas vouloir le faire pareil, si jamais j'avais à refaire un truc similaire. Ce qui est plutôt bien. Ah ouais, carrément. Alors, parce que la remise en question est indispensable, de toute manière. Et puis, tout le monde évolue, la société évolue, nous, on évolue. Donc, si on reste coincé dans nos Doc Martens, ça ne marche pas. Oui, c'est sûr. Bon, contre, un point positif, peut-être, c'est... Ah non, Eric, alors ben on avait fait de la merde, peut-être pas. Non, c'est de... Non, vous étiez branché par le côté informatique. Et vous avez dit, bon, bah, on fait un festival de musique, mais nous, on veut faire aussi des choses autour de ça, parce que nous, ça nous intéresse et on a des questionnements, ou peut-être pas assez, autour de ça. Voilà, c'est... Mais c'est sûr qu'on a toujours marché à l'enthousiasme et tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours se méfier de... c'est quoi qui nous fait triper et c'est quoi notre figure publique et qu'est-ce qu'on peut véhiculer. Et je trouve que ce qu'on a contribué à véhiculer, dangereux c'est un grand mot, mais on aurait pu être plus vigilant là-dessus. Parce qu'on était quand même en prise à l'époque, numéro zéro, je l'ai cité, on était en prise quand même avec ces prémices de technocritique. Et ça, on aurait peut-être plus l'attrapé pour éviter d'être moins la figure de style. Avataria, rien que le mot avataria, c'est ultra technophile. Donc c'est plus là-dessus. Hein. Après, oui, on a toujours marché enthousiasme. On parlait du challenge qu'on se fixait chaque année, d'occuper d'autres trucs et tout ça. C'est sûr, hein, on était informaticienne. On a voulu que ce soit transmis. On adorait l'informatique libre. Mais je pense qu'on aurait quand même, ça aurait mérité un petit peu plus de critique là-dessus, véhiculée publiquement. Voilà. On écoute Dalek. Ah bah ouais, tiens. Non, mais vas-y, je parle. Moi, j'aurais bien écouté Mambou, histoire qu'on booste un peu le truc. Attends, je le trouve. Ouais. Okay. Ça, c'est une bonne idée, ça. Je le prépare. Est-ce que c'est bien ça? Parce que moi, je suis un peu nouveau hein, dans ce studio. Le baryton va faire beaucoup de bruit, je crois. Non. Ah non, je me suis trompé. C'est justement pas ça. Bon, attends, on va recommencer. Ouais, ouais. C'est pas grave. Mon rembobine. On peut changer. Voilà, mot de bout. C'est ça, hein? Ok. Ouais. Ouais. Vous êtes sur Radio Duo 89.5. Yo. C'est bien ça, hein. Ah, c'est vachement bien, ouais. Ah ouais. C'est long. Voilà, c'est bien représentatif de Vataria, tout ça. Hein. Mmh. Ouais. Il me semble. Ce truc bien crado, bien sympa. comme on aime encore, on aime toujours. Moi je me disais un truc, c'est que la dernière partie là, de discussion qu'on a eue, ça me faisait penser à une réunion à Vataria en fait. Ouais, c'est vrai. Alors, ça discutait beaucoup du fond et de comment on allait faire les choses. Ouais, la réunion tu la faisais pas de 7 à 9 et tu rentres à 9 tranquille. Hein. Non, c'était pas ça. Genre non. Tu avais une réunion à Vataria, tu mettais toujours à t'en remettre quoi. Qu'est-ce que de quoi tu parles? Et qu'est-ce que vous en retirez là, individuellement, maintenant? Petite wow. Table. Alors, Gigi, il avait commencé, tu disais que tu étais fier. J'étais fier de tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait brassé, et j'étais aussi un peu amer de ce qu'on disait, du constat de ce qui reste aujourd'hui, quoi. Pas au niveau de la sourde elle-même, parce que. Comme on disait après, il y a quand même des gens qui sont là, qui font des choses. Après, c'est au niveau du constat sociétal, politique et tout ça. Donc, on s'est un peu fourvoyé aussi. Ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport à la technologie. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément anticipées, bien vues. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et puis, on est encore là pour en discuter. Donc, c'est quand même hyper positif, malgré tout. Même si... globalement, on vit pas dans le meilleur des mondes et c'est dommage quoi. Mais voilà, sinon moi je reste positif quoi. Chouette. Ouais. C'est bien qu'il faut. Parce que autrement, on putain, 30 ans, 35 ans, on vient de fêter 35 ans, c'est tout pourri ce qu'on a fait. Tout la merde, casse, c'est nul. Moi, que du positif. Ah bah oui, toi, t'arrives. Ouais, moi, je suis arrivé après la bataille. Hein. Mais moi, je suis arrivé à Saint-Étienne, je connaissais personne. J'ai rencontré cette bande. J'ai fait plein de super rencontres. Des gens qui disaient « Ah, ben, moi, j'ai envie de faire ça. Ah, ben, ok, allez, on le fait. » Et puis, pendant un week-end, tout le monde est motivé et on met tout en place pour des cartons. Que tout se passe bien. C'est ce que j'allais pendant dire. Pendant une semaine. Non, mais ça m'a montré que... Voilà, que plein de gens peuvent se motiver pour faire vraiment sortir des super trucs. Quoi. À la fin de chaque événement, on était vraiment super fiers parce que ça. Du coup, là, moi, j'ai vu que ça brassait quand même des personnes assez variées parce que moi, je suis arrivé à la fin où c'était moins musique, mais c'était plus. Intellectuel, on va dire. et voilà, donc le seul regret, c'est de ne pas être arrivé avant à Saint-Étienne pour et de ne pas avoir fait le festival, voilà, c'est tout. À moi, hein, ouais. Tu regardes le... Encore. Alors, non, alors après, moi, ce que ça... Fred, tout à l'heure, tu disais, je suis rentrée à 21 ans dans Avataria. Moi, je pense que... Matsuko, ouais, je devais avoir 19 ans, tu vois, donc... Pour moi, ça m'a vraiment structuré, ça m'a montré que, quelque part, au-delà des normes qu'on veut te faire avaler, il y a des choses possibles, des failles possibles. J'ai fait des études, j'ai trouvé un job, certes, mais quelque part, c'est pas que ça, la vie. Et j'ai pu comprendre, grâce à une histoire qui a duré pour moi quand même un peu moins de 20 ans, mais ouais, 17-18, quoi, j'ai pu comprendre que grâce à la folie de certaines personnes, au militantisme d'un groupe de gens, on peut faire quand même des choses incroyables en dehors du cycle marchand. Et ça, c'est quand même la classe. Voilà. Bah, par exemple, cet ouvrage qui va sortir, c'est vraiment un ouvrage collectif avec des gens qui viennent de partout. Et avec pas mal de gens qui sont impliqués, qui sont autour de cette table. Enfin, bon. Et encore plein de monde. Et c'est super. Ouais, carrément. Là, je mets Naked Beast en fond parce qu'il nous reste 10 minutes. Le morceau en fait 10 à lui tout seul. Donc qu'est-ce que je fais? On attend Naked Beast ou tu veux que non, je me lance? Non, donne ta petite phrase de fin. Qu'est-ce que j'en retire? J'en retire déjà des souvenirs par dizaines, des rencontres complètement folles, pour reprendre des mots, toujours dans une ville qui n'était pas vraiment hyper simple pour faire ça, de toujours chercher la brèche, la faille, de se dire qu'on peut le faire, et en fait, chaque fois, de le faire, que ce soit et de finir avec un truc où il y a 4 vinyles dedans, un bouquin de 250 pages, tous les fanzines quasiment qu'on a pu voir, trouver toujours la faille, technocritique, c'est néanmoins tout le temps dans les espaces de Formatic Clip qu'on arrive encore à résister, c'est toujours... en ouvrant des lieux, en faisant des rencontres, et je crois que cette histoire-là, moi, m'a définitivement mis dans ce train-là, en fait, on va dire. Et des premières personnes que j'ai pu rencontrer, qui étaient dans des labels comme Kronstadt Tapes, qui déroulaient des cassettes jusqu'à cette émission-là, je crois que je suis plutôt positif sur cette chose-là. Ouais. Et puis, en me posant éternellement la question de à quoi ça peut bien servir. Mais est-ce que tout ce qu'on fait, ça doit servir à quelque chose? Pas de question. L'acte inutile, l'acte gratuit, vachement bien. Ouais, c'est pas facile de passer juste après. Et en dernier. Agnès et Dom, merci, hein, c'est cool. Alors, moi, je voulais remercier Dom et Tony de m'avoir. D'être venu me chercher un jour et en me disant bah viens on t'embarque dans l'aventure et pareil 20 ans on connaît rien et puis d'un coup on traîne avec des gens qui ont 10, 15, 20 ans de plus que vous donc il y en a qui ont qui sont partis. Et puis, ça a été des années incroyables. Les réunions à Watt, moi, j'y allais pas en traînant des pieds, au contraire. À chaque fois, je me prenais des claques. On avait des discussions comme on a eu aujourd'hui. On se posait toujours, on essayait de se poser les bonnes questions. On essayait de toujours trouver la meilleure solution. Donc ça, c'était une école de la vie et de l'associatif qui a été énorme. Et puis avec ça, par-dessus ça, toute l'éducation musicale que moi personnellement je me suis faite avec Matsko en tant que public et puis après en tant que membre d'Avataria. Voilà, qu'est-ce qu'il en reste? Je sais pas. Un bouquin, des rencontres, on va voir. So long. De l'amour. Ouais, de l'amour. Le feu. Ouais. Finir là-dessus, hein, les copains et les copines et les auditeurs et les auditrices, avec le Naked Beast. Hein. Alors pourquoi le Naked Beast? Parce que c'est à la base, c'est pour ça qu'on voulait faire un disque avec Dom. C'était pour mettre ce morceau de Naked Beast. Et puis de là, on en est arrivé à 4 vinyles, 43 groupes, un bouquin de 250 pages, 100 fanzines, un truc de malade quoi. On a bientôt fini notre petite intervention sur Radio Duo qu'on remercie encore et toujours. On garde un scoop pour la fin, non? Je crois qu'on peut parler. Il nous reste 5 minutes. À vous de jouer. Alors, président. Président d'Avataria, c'est à toi, c'est parti. Nous vous annonçons la fin officielle d'Avataria sur les ondes. Ouais, on aimerait bien finir en beauté avec un truc... avec tous les avatariens, ceux qui nous ont, qui sont passés par Matsko, on avait fait un dernier pour la route. Oui, voilà, toutes les avatariennes et tous les avatariens. Un dernier pour la vie. On va fixer la date, on va trouver un truc et puis. Qu'on se fasse une vraie fin jolie, quoi. On fait ça après le 25? Oui. Ok. Non, demain. On le fait le 25. Non, on fait ça le 25, le même jour, mais si tu es ailleurs, tu vois. Ouais, une contre-teuf. Une contre-Furania, tu sais. Allez, il n'y en a pas déjà. Ouais, le 25, sortie officielle du livre, Méliès Saint-François, pré-vente. Il reste des places. Ouais, il reste quelques places. Quelques places, ouais. Ouais, il paraît qu'il reste pas beaucoup. Moi, j'ai pas pris ma place, il fallait prendre sa place. Ça y est, ouais. Pré-vente Méliès Jean Jaurès. Hein. Ouais. Pré-vente Méliès Jean Jaurès et Méliès Saint-François. Vous pouvez aller sur les deux. Il n'y a que les deux, ouais. Mais venez vite. Bon merci à vous, Gigi, Eric, Agnès, Dom, Fred. Merci Lolo. Merci Lolo. Merci Radio Dio. Merci Radio Dio. Et on se revoit bientôt tous. Yes. Ouais, merci Lolo. Des bisous. Merci Radio Dio. Au revoir. Des bisous. Salut. Ciao.